Amis auditrices, amis auditrans, amis auditeurs, bonjour. La Grèce, défaite ou victoire? Écoutez. De quelle défaite parle-t-on? Les médias ont véhiculé un nombre incalculable de fausses appréciations, trop pressés de parler sans penser. Ce n'est pas parce que je suis libre de parler que j'ai à dire une parole digne du « logos » grec. C'est du « logos » qu'est venue la logique, l'art de penser. Celui qui pense aujourd'hui, il pense en grec, même s'il ne le soupçonne même pas. Jacqueline de Romilly. Aujourd'hui, il faut être « cartésien, rationaliste ». Le rationalisme qui consiste à dominer et à exploiter la nature et les autres est la négation de la logique qui est l'art de penser avec justesse, justice et respect. L'ordinateur en grec se dit hypologisti, c'est-à-dire l'aptitude à calculer, la pensée marchande. Cet outil est le support de l'informatique qui se dit en grec kybernetiki, gouvernance. Ce n'est pas difficile de voir où est le problème, combien nous sommes loin de la vérité qui est le résultat d'une recherche fondée sur le logos. Première défaite du « Logos ». La surface de ce « petit » pays qu'est la Grèce, avec la mer autour, est supérieure à celle de la France. La mer, c'est la richesse. Avec la possibilité de navigation et aujourd'hui avec les hydrocarbures, en quantité supérieure à toutes celles qui existent en Europe. Cela représente une valeur considérable. Mais qui veut voir des plateformes pétrolières dans la mer Égée? La Sibérie et le désert arabique sont plus appropriés pour l'extraction du pétrole. N'est-ce pas l'idée d'un barbare complètement aveugle à la beauté et obnubilé par l'argent? Ce genre de barbares aujourd'hui en Grèce et en Europe sont légion. Est-ce que pour sauver la Grèce il faut la salir, ou justement préserver ce qui est beau, parce que propre? Deuxième défaite du « Logos ». Le nom de l'Europe est grec. Oui, mais il faut faire la distinction entre trois Europes, A, L, Europe, en tant qu'espace géographique habité par une multitude de cultures, de langues, de coutumes et d'histoires, B, celle de L, Union Européenne, qui est devenue, des Unions Européennes, avec les, page 1 GS. Les ports dans le sud et les, germains, du nord, notoires, porcifages, et C, celle de la, dictature européenne, devenue anthropophage. Les masques tombent avec la gestion de la dette grecque. Le fondateur de la dynastie Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me passerai de ceux qui font les lois. » Troisième défaite du Logos. Le « politique » dans la démocratie athénienne n'était rien d'autre que la prise de décision en vue de l'intérêt commun. Trahir son pays était le plus grand crime qu'un citoyen pouvait commettre. Un des traîtres célèbres se nommait « Éphialti » qui signifie « cauchemar ». Aujourd'hui, le citoyen est réduit à sa qualité de « consommateur anesthésié » et la politique est un jeu habile au service de la haute finance, des « banksters ». Dans cette atmosphère, la trahison devient un sport national. Pour comble, les trois perdants des élections de janvier, Samara, Venizelos et Theodoraki, pas le musicien mais celui de « Potamo », quel nom pour un parti politique, se rendent à Bruxelles pour proposer à J.C. Juncker de casser Tsipras et reprendre le pouvoir pour laminer le pays comme ils l'ont fait auparavant aux ordres du capital. C'est un cauchemar lorsqu'en fin de compte, Mister Tsipras à lui tout seul a fait pire. Les pays sont gérés comme des multinationales par des marionnettes incompétentes et dociles, d'où le rejet de Mister Yanni Varoufaki des négociations avec les « eurodictateurs ». Voir El Inervier du mercredi 15 juillet 2015 par Sayed Setazan sur Agoravox, l'Europe bafoue impitoyablement la démocratie. Ce mot est grec. Allons plus loin. Ce n'est pas le vote qui fait la démocratie, mais l'engagement pour l'intérêt commun. Cela, est l'affaire de démo en grec. L'autre, qui se contente de Panem et Circens, est le Laos, le peuple. Quatrième défaite du Logos. Mon ami M. dit médecin de son état et auteur de plusieurs livres, dont un, sur les présocratiques, atteint d'un cancer, a accepté de se voir infliger 4 injections de 18 000 euros chacune. Il a sombré dans le coma avant de rendre l'âme complètement inconscient aux grandes dames de ses collègues et tant pis pour le trou de la sécurité sociale de son pays, la Grèce. Une bonne dose de morphine aurait eu le même effet. Linus Pauling, docteur en philosophie et deux fois prix Nobel de chimie, 1900 à 1994, dénonce la supercherie de la chimiothérapie qui est une mine d'or pour le lobbying pharmaceutique seulement. Il tourne le dos à la chimie et retourne aux sources naturelles avec les thérapies alternatives. Hippocrate soignait toutes les pathologies avec des moyens naturels. Il existe un superbe régime à base de feuilles d'olivier contre le cancer. Je ne suis pas médecin, je vous laisse le soin de chercher par vous-même. Cinquième défaite du Logos. La dette grecque est produite par l'achat forcé par la Grèce des armes inutiles. Qui sont-ils les vendeurs ? Les États-Unis, la France et surtout l'Allemagne. Et oui, voir l'article édifiant du jeudi 25 juin 2015 sur AgoraVox, l'endettement de la Grèce au profit des industries militaires, par Oscar Fortin. Qu'entend-on comme ineptie sur la dette grecque ? Faire payer les armateurs, faire payer l'église, vendre les îles, les ports, les aéroports, le patrimoine grec, qui est celui de l'humanité et que sais-je encore. La citoyenneté, à l'âge de l'Internet, est basée sur l'obtention de l'information exacte. Il y a beaucoup de trolls et il faut consacrer du temps à la recherche de la vérité, ce qui développe le discernement. Le consumérisme est fondé sur l'ignorance ou la désinformation, la publicité, la propagande ou la télé. Pour beaucoup d'ignorants, la langue grecque est une langue morte. Cela se comprend, la langue grecque est retirée de l'enseignement de peur qu'on apprenne que le citoyen libre est toujours un combattant actif. Dans la Grèce ancienne, l'esclave était épargné de la tâche difficile du combat. La liberté de penser était le fleuron de celui qui savait se battre pour défendre son pays. La liberté n'était pas accordée au premier venu, comme le rêve de Rousseau. Plus près de nous, j'ai de grands admirateurs et connaisseurs de la Grèce disaient, celui-là seul mérite la liberté et la vie qui doit chaque jour la conquérir. J.P. Sartre se demandait, que dire de celui à qui la liberté est offerte et il la refuse. La liberté se donne comme illusion, c'est une conquête avec la pratique du « logos » et on la perd, croyant qu'elle est acquise une fois pour toutes. Sixième défaite du logos. On accepte de faire du mariage un acte profane appelant cela « mariage pour tous ». On a vu le mariage d'un père avec son fils, pour des raisons financières, probablement. Dans la pensée grecque, le mariage est sacré et il est sacré parce qu'il symbolise le lien conscient et harmonieux entre le « nous » et la « psyché », entre la pensée et le sentiment, le cerveau et le cœur. Toutes les philosophies parlent de ce lien fabuleux. Les Grecs appellent cet équilibre « mariage sacré ». Le mariage entre deux êtres de sexe opposé est la mise en pratique de cet archétype, de ce bel équilibre, de cette sublime harmonie. C.G. Jung parle d'animus et d'anima, la partie masculine et la partie féminine de l'âme humaine. Les Chinois expriment l'harmonie dans le monde par le symbole du yin et du yang. Septième défaite du logos. La défaite de la Grèce moderne est le sacrifice de son héritage multimillénaire sur l'autel de la folie occidentale, la poursuite de l'économie et de la technologie. Est-ce la montre, Rolex, à 50 ans, la BMW ou la Porsche Cayenne, le yacht, l'écran plasma, l'iPhone 10 et tous ces, abjects, inutiles, fruits de la technologie avancée, qui met l'économie au-dessus de toutes les valeurs et à la place du logos. Huitième défaite du logos. On peut se tourner vers Hésiode ou Platon qui font écho à la philosophie hindoue et la conception cyclique du temps, à l'âge d'or succède l'âge d'argent qui est suivi par l'âge de bronze et à la fin nous avons l'âge de fer qui est le nôtre. Hésiode priait les dieux de ne pas le faire naître durant cet âge, tellement les valeurs, la justice et la vérité sont bafouées. Le ministre de la propagande hitlérienne avait défini ce qu'est la négation du logos et de la logique, un mensonge annoncé une fois est un mensonge. Répété 10 fois reste un mensonge. Repris 1000 fois, il devient une vérité. Goebbels. Les romans de George Orwell deviennent une réalité. À la place de logos, nous avons un paralogos, disons-le une paranoïa. Para est le préfixe de quelque chose qui est à côté. À côté de la sagesse, la philosophie indienne nous parle d'une période appelée pralaya, semblable à l'actuel chaos, qui est le point final du cycle actuel de l'âge de fer. À quoi bon s'étonner de tout ce qui se passe ? Acceptons cette éclipse du logos et restons debout avec la faculté de la logique qui nous permet à chaque instant de voir avec force et sérénité le fond des choses et non pas le maquillage des marionnettes qui gesticulent et remuent une foule de mensonges au service de la domination de la race humaine par une élite éclairée au nom du nouvel ordre mondial, NWO. Si la victoire que nous a léguée la philosophie grecque en vaut quelque chose, c'est bien dans ce moment difficile que l'on peut en apprécier la valeur. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.